capable, chérie. Moi t'as senti que ma vie vit autant que m'a changé, cherché longtemps. Mais la vie a pas mandé ça, tout en séjour tracas. À chaque fois, comme un joint, un bébé qui voulait quitter moi, le vire et dans l'allée. Arrivé, joignez une compagne qui t'a capable, chérie. Moi t'as senti que ma vie vit autant que m'a changé, cherché longtemps. Mais la vie a pas mandé ça, tout en séjour tracas. Chaque fois, comme un joignez un bébé qui voulait quitter moi, elle virait dans l'allée.